Chapitre 10e, le galant colonel. Que devait faire Paulin Broquet? Ce que tout homme d'esprit eût fait à sa place, assurément, il se mit à rire. « La réplique est bonne, » fit-il à ses hommes. « Les aides nous font comprendre qu'ils ont deviné et qu'ils ont aussitôt pris les devants. Ils nous échappent. Mais nous avons cependant atteint notre but. Nous avons détruit leur poste, coupé le fil branché sur le nôtre. Nous pouvons maintenant téléphoner sans crainte d'entendre leur rire. En résumé, c'est nous qui rions les derniers. » Tendant la cage au perroquet, à l'homme de garde. « Tiens, dit-il, qu'on prenne bien soin d'Izigo. » Le perroquet était ainsi aux grands éclats de rire des détectives baptisés Izigo. Puis Paulin Broquet sortit de la sûreté, fit quelques pas sur le quai et dit à voix assez haute pour que des pêcheurs, des flâneurs appuyés au parapet puissent l'entendre. « Il fait beau, mes garçons. Nous sommes à peu près tranquilles aujourd'hui. Allons déjeuner à la campagne. » Et montant avec eux dans son automobile, il les emmena vers Versailles. « J'ai l'intention, dit-il en route, d'aller voir voler des aéroplanes. » Ils déjeunèrent dans un restaurant de la ville du Grand Roi, puis, après déjeuner, ils allèrent vers le camp d'aviation de Buc et assistèrent aux essais de quelques aéroplanes. Paulin Broquet et ses deux aides, s'étant fait connaître, eurent toutes les facilités pour pénétrer sur le champ de l'expérience. Ils virent les héros de l'air, des officiers volants et bon nombre de gens qui s'occupent à divers titres de la conquête du ciel. Parmi eux, Paulin Broquet remarqua un fils du soleil levant qui, précisément, descendait de l'appareil dans lequel un officier aviateur l'avait emmené très obligeamment faire un tour. La vue de ce japonais provoqua un sourire chez Paulin Broquet. Il dit doucement à ses deux lieutenants « Nous allons probablement en trouver d'autres ailleurs. » Quittant alors le champ d'aviation, Paulin Broquet et ses lieutenants se rendirent au camp d'artillerie. « On doit, dit-il à ses lieutenants, essayer ces jours-ci devant la commission spéciale une nouvelle boîte à mitraille et divers perfectionnements apportés au matériel d'artillerie. Les journaux techniques en ont parlé, et je serais absolument étonné qu'il n'y eût pas, parmi les admirateurs du génie français, quelques Allemands et quelques Japonais. J'espère, toutefois, qu'on ne permettra pas à tous ces curieux, par trop intéressés, de voir, d'approcher, d'étudier, et en somme, qu'on ne livrera pas aux étrangers les derniers secrets pouvant intéresser la défense nationale. » Comme ils arrivaient aux environs du champ d'études, ils trouvèrent des piquets de soldats défendant l'approche. Quelques personnes, cependant, se trouvaient réunies sur une sorte de monticule dont l'on pouvait voir avec de bonnes jumelles le résultat des tirs. Parmi ces personnes se trouvait une jeune femme, de mise élégante, extrêmement jolie, assise sur un pliant de toile. Non loin d'elle se tenait un homme de forte corpulence qui était vêtu d'un costume à carreaux d'étoffe claire, coiffé d'un chapeau mou comme ceux dont se parent en général les touristes d'outre-Manche. Près de lui, deux ou trois individus à mise exotique et enfin, un peu à l'écart, un homme petit, trapu, qui, dans son complet de la meilleure coupe parisienne, révélait cependant son origine japonaise. Paulin Broquet et ses hommes, tels de simples curieux, s'approchèrent également et regardèrent, comme tout le monde, ce qui allait se passer au loin. Quand ils parurent sur le monticule, l'homme en costume de touriste anglais tourna vers eux ses yeux bleus faïence et leur lança un regard plein de courroux. Il se pencha vers ceux qui l'entouraient et leur dit en anglais quelques mots rapidement. Comme tout à l'heure, Paulin Broquet, qui saisit au vol ses paroles, se mit à sourire en donnant à son tour un coup d'œil à ses deux lieutenants. Eux aussi avaient entendu et avaient compris. Aux paroles du touriste anglais, les voisins avaient répondu « Yes, yes ». Mais Paulin Broquet dit à ses lieutenants à mi-voix « Ils auraient tout aussi bien pu dire « Ya, ya », car ils ne nous donnent pas le change. » L'amorce ajouta « Je devrais, si j'étais bien élevé, chef, aller serrer la main de l'un d'eux, car nous sommes des camarades. Nous avons été au service ensemble au même restaurant un matin que M. Simonet, le capitaine de Montgomery et le capitaine de la Rochardie, déjeunaient dans un cabinet. « Ah oui, c'est moi qui ai eu l'avantage, faisant un extra, de remplacer ce collègue éventuel dans le service qu'il faisait auprès des trois amis. C'est moi qui avertis le capitaine de la Rochardie, le priant de votre part, de ne pas parler si haut. » Et c'est ce collègue qu'on envoya servir le gentilhomme argentin et sa charmante sœur, la comtesse Pepa d'Ortega, que traitait ce matin le périgourdin baron de la Roucoulière. De son côté, le touriste que l'amorce désignait à Paulin Broquet tourna la tête et regarda celui qui venait de le reconnaître. Il dut assurément le reconnaître à son tour, car en anglais il dit encore à ses compagnons quelques mots très rapides que cette fois les détectives ne purent surprendre. Peu après, avec ses amis, il faisait un détour, finalement s'éloignait, regagnait la route, montait dans une automobile qui stationnait non loin de là et disparaissait à deux vitesses. Le japonais, lui, ne bougea pas, mais ayant eu la sensation que des gens s'éloignaient, il abandonna un moment ses jumelles pour regarder ceux qui partaient. Ce mouvement lui fit tourner la tête vers le détective et ses lieutenants. L'amorce tressaillit et vivement dit à Paulin Broquet « Chef, autant qu'il nous est permis à nous, Européens, de reconnaître un Japonais, je crois pouvoir vous dire que celui-ci est le singulier Japonais que j'ai trouvé à Londres, dans la salle d'imprimerie, après le supplice du capitaine de la Rochardie. » Paulin Broquet, pour toute réponse, se contenta de pousser un grognement. Il se mit à rouler une cigarette, tout en ayant l'air de vouloir s'intéresser aux opérations qui semblaient un moment suspendues et devaient reprendre. Les opérations n'étaient pas que suspendues, elles étaient finies. Un drapeau blanc s'éleva de la butte où se trouvaient les cibles. Un clairon sonna la cessation des feux, et l'on vit, dans divers points du champ d'expérience, des groupes d'officiers apparaître. Quelques instants après, des canons dont la culasse était entourée d'un manchon de cuir qui les protégeait des intempéries et surtout des regards indiscrets, évoluaient sur le champ de tir et prenaient la direction des parcs d'artillerie. Le Japonais plia sa jumelle et fit mine de se retirer. Pour gagner la route, il dut passer à peu de distance du groupe que formaient Paulin Broquet et ses lieutenants. Il jeta son regard oblique vers les trois hommes. Son front se plissa légèrement, comme s'il faisait un effort de pensée, et sa figure, prenant cet air railleur des figures japonaises, il vint tranquillement, tout droit, vers les trois hommes. Il salua correctement et s'adressant à l'amorce, il lui dit « Pardon, monsieur, n'ai-je pas eu le plaisir de vous voir dernièrement à Londres ?»« En effet, » répondit l'amorce, « nous nous sommes rencontrés chez un imprimeur où nous allions tous les deux faire une commande de gravure. » Le Japonais tendit la main et serra cordialement celle de l'amorce. « Vous pouvez alors, mon cher monsieur, » dit-il dans le français le plus correct, « me donner des nouvelles de cet héroïque capitaine de la Rochardie qui avait été victime ce jour-là d'un déplorable accident. » L'amorce lui dit que le capitaine allait très bien, qu'il était remis de son aventure et avait repris du service. « Si le hasard, » reprit le Japonais, « vous permet de rencontrer encore le capitaine de la Rochardie, voulez-vous vous charger de lui renouveler ma sincère admiration et lui présenter mes compliments de bonne confraternité d'armes? Je suis le capitaine Tokiro de l'ambassade japonaise. » Il salua et se retira lentement. Au moins, fit Paulin Broquet, celui-là fait loyalement son métier. Les spectateurs s'étaient peu à peu éloignés. Il ne restait plus, abrité sous son ombrelle, que la jeune femme, toujours assise gracieusement sur son pliant. Paulin Broquet se gratta le menton, il poussa des et dit à ses hommes « Voyons cela. Cette femme qui n'est pas militaire, autant que je sache, m'a l'air de s'intéresser fortement aux manœuvres d'artillerie. » Il entraîna ses hommes un peu plus loin. Avec eux, tout bonnement, il s'assit sur l'herbe. Et là, tous trois, ainsi que de bons bourgeois qui tuent le temps, ils se mirent à lancer dans l'air la fumée de leurs cigarettes. Sur le champ d'expérience, il ne restait plus personne, plus rien. Tout était rentré. Les officiers regagnaient qui leur cheval, qui leur voiture, et s'éloignaient les uns après les autres. La jeune femme attendait toujours. Son attente ne fut pas extrêmement longue. Un officier, le colonel de Fongrive, s'approcha d'elle, l'air empressé d'un homme très épris. En le voyant paraître, la jeune femme se leva et vint au-devant de lui. Le colonel lui offrit son bras, et tous deux s'éloignèrent dans la direction de la route où une voiture les attendait. Un artilleur vint prendre le pliant de la jeune femme et l'emporta. Paulin Broquet suivit ce manège avec le plus grand intérêt, et il vit s'éloigner la voiture emportant le colonel et la jeune femme. Ils semblaient vraiment épris l'un de l'autre. « Nous n'avons plus, » dit Paulin Broquet à ses hommes, « qu'à rentrer à Paris. » Sidi l'Algérien était, comme toujours, au volant de la voiture. « Mon garçon, » lui dit le détective, « tu vas ne pas perdre de vue cette voiture qui emporte le colonel et cette jeune femme. Ça va, patron, c'est entendu. Quant à toi, l'amorce, tu viendras me dire ce soir ce qu'est cette femme par rapport au colonel. » Jusqu'à Paris, Paulin Broquet ne souffla plus un mot. Il rentra chez lui, après avoir débarqué son lieutenant l'amorce aux environs de la maison où le colonel était descendu avec la jeune femme. Dans son cabinet de travail, Paulin Broquet dit enfin à Gabriel. « Te souviens-tu d'une affaire assez curieuse dont je me suis occupé il y a 3 ans environ à Toulon ?»« Oui, chef. Un officier de marine était compromis pour avoir égaré des documents importants dont il avait la garde. »« C'est cela. L'officier était absolument incapable de forfaiture. »« D'ailleurs, ces documents, vous les avez retrouvés, chef, chez l'officier même quelques jours plus tard. » Dans un endroit que j'avais déjà visité, et où ces documents ne se trouvaient pas, alors. En effet, chef, mais pour que l'officier innocent ne fût pas inquiété, vous n'avez pas fait état de cette remarque. L'affaire fut considérée comme une simple étourderie sans conséquence. Oui. Or, ce qui m'inquiète moi à présent, c'est qu'alors cet officier de marine, étourdi malgré lui, avait comme maîtresse cette jeune femme que je retrouve aujourd'hui avec ce colonel.